côté en plastique. Entrée au sauna, y avait comme un hic. T1, c'était 5, quoi, c'est tir sans logique. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, panique. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, panique. Wesh bébé, personne t'entend quand t'appelles. Ça fonce, ça coule, ça brouille ton rimmel. Gaffe où tu mets les pieds, tu marches sur tes mamelles. Ouille ouille ouille ouille ouille ouille gamelle. Ouille ouille ouille ouille ouille ouille gamelle. C'est l'enfer, c'est humide et en plus c'est trop chaud. Ouvrez, ouvrez la cage au bimbo. Mes nénés sont tout mous, ça va faire tout pas beau. T'es coincé, il fait chaud, tu cuis comme une saucisse. Mais rien n'est joué, t'as qu'à prier une miss qu'elle vienne sauver tes appendices. Cinq Miss Univers, j'ai besoin de ton soutien. Enfermé au sauna, j'ai besoin d'un coup de main. Les ficelles de mon string ont disparu sous mes seins. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, pas bien. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, pas bien. Ouvrez, ouvrez la cage au bimbo. C'est l'enfer, c'est humide et en plus c'est trop chaud. Ouvrez, ouvrez la cage au bimbo. Mes nénés sont tout mous, ça va faire tout pas beau. C'est pas bon, ça comporte trop de risques. Tu sais maintenant une chose et ça c'est bien pratique. Trop chaud le silicone et tes nénés y giclent. Wesh bébé, y'a un seul truc qui me gêne. Quand je vois tous tes efforts, que je sens toute ta peine. Comme t'as fermé la porte d'un violent coup de hanche. Bataque à la tirée du côté de la clanche. C'est l'enfer, c'est humide et en plus c'est trop chaud. Ouvrez, ouvrez la cage au bimbo. Mes nénés sont tout mous, ça va faire tout pas beau. Ouvrez, ouvrez. papa.